Dino Gaddafi. Tout petit. Donne de la haine, moi je donne de la passion. J'ai brisé la haine que m'a donné ma nation. J'ai semé mes graines pour libérer mon émotion. Mais je sauvais mes arrières car ici faut faire attention. Attention, car le peuple est en tension. Étouffé par les thunes qui nous bouffent toutes nos notions. Explique-moi comment vivre la répression et lâcher les joies qui accentuent ma dépression. La pression et nos rêves contaminés. Les jeunes d'aujourd'hui veulent de l'oseille épinée. Iné, rien à faire mec c'est plié. Admire la merde, ça ne sert plus rien de crier. Tout type c'est la clique, un clap et un kick. Passe-moi le mic, on fume le beat. Du jack et du shit pour que le cerveau cogite. Passe-moi le mic, on fume le beat. Tout type c'est la clique, un clap et un kick. Passe-moi le mic, on fume le beat. Du jack et du shit pour que le cerveau cogite. Passe-moi le mic, on fume le beat. On casse comme des oufs pour que tes enceintes fassent bom bom. On y ajoute des lyrics qui boostent comme du brown brown. Et ça demain tout, un carré d'as en fait tout. Les épreuves de la vie sont sur ma peau, je me les tatoue. C'est le boss, n'y a que le pep tout. On dégringue ça, on cap tout, deep tout. Quand on attrape le mic, on vous brise tous. Dino Gaddafi à la prod, je veux pas que mon son soit à la mode. Passe-moi le mic et je te jure qu'on t'envoie à la mort. On envoie le public dans les cordes avec des frappes lyricales, flow chirurgicales, putain d'agression musicale. Un beat qui claque dans un monde qui crack. Souvent ça part en couille et ça fait clic clic clac. Tout chip c'est la clique, un clap et un kick. Passe-moi le mic, on fume le beat. Du jack et du shit pour que le cerveau cogite. Passe-moi le mic, on fume le beat. Tout chip c'est la clique, un clap et un kick. Passe-moi le mic, on fume le beat. Du jack et du shit pour que le cerveau cogite. Passe-moi le mic, on fume le beat. J'lâche pas prise, je relance la mise. Immigré sans pays, mais la lune je vise. Tu me brises, ça m'endurcit. Ma route, moi je poursuis. Parti de rien, maintenant regarde-moi où j'en suis. Mes couilles, je les porte, rien à foutre qui me scorche. C'est ce que j'apporte, mais surtout ce qui me rapporte. J'apporte et j'exporte des rimes de plus en plus fortes. De plus en plus fou, mais je me dis peu importe. J'ai des stocks pour des années, mes vers se font planer. Mes idées, je les suis jusqu'au jour où je vais crâner. C'est pour mes sons, c'est pour vous que je pose. Que je passe mes nuits à écrire mes prose. Tout type, c'est la clique, un clap et un kick. Passe-moi le mic, on fume le beat. Du jack et du shit pour que le cerveau cogite. Passe-moi le mic, on fume le beat. Du jeep c'est la clique, un clap et un kick. Passe-moi le mic, on fume le beat. Du jack et du shit pour que le cerveau cogite. Passe-moi le mic, on fume le beat. Ouais c'est trop low, ça part en couille, ça va à volo. Les frères se ramassent à trop vouloir viser le gros lot. Ils veulent les gros lots, les bling bling et les guirlandes. Au mic je te ramène la rage de l'Irlande. West coast dans le beat, pas de coke dans le pif. J'carbure au pilon, mais j'suis pas un tombe dans la vie. J'vais te montrer ce que j'ai dans le bide. Comme Kerry le ventre ouvert, qui peut dire qu'Iao n'a pas souffert. J'ai rien à prouver, je sais ce que j'ai dans le ventre. C'est une bête de rage, prête à presser la détente. Et tant qu'il y a de la vie, y'a de l'espoir. Fils, repense-y, on te raconte pas des histoires. Tout chip c'est la clique, un clap et un kick. Passe-moi le mic, on fume le beat. Du jack et du shit pour que le cerveau cogite. Passe-moi le mic, on fume le beat. Tout chip c'est la clique, un clap et un kick. Passe-moi le mic, on fume le beat. Du jack et du shit pour que le cerveau cogite. Passe-moi le mic, on fume le beat.